C'est aux découvertes des Portugais dans l'Ancien Monde que nous devons le nouveau. Si pourtant c'est une obligation que cette conquête de l'Amérique, si funeste pour ses habitants et quelquefois pour les conquérants même. C'est ici le plus grand événement sans doute de notre globe, dont une moitié avait toujours été ignorée de l'autre. Tout ce qui a paru grand jusqu'ici semble disparaître devant cette espèce de création nouvelle. Nous prononçons encore, avec une admiration respectueuse, les noms des Argonautes, qui firent 100 fois moins que les matelots de Gama et d'Albuquerque. Que d'hôtels on eût érigé dans l'Antiquité à un Grec qui eût découvert l'Amérique. Christophe Colombo et Barthélemy son frère ne furent pas traités ainsi.